بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، طيب، pour ce qui est des questions n'étant pas relatives au ders ou quoi ou même relatives au ders, posez-les à la fin, car moi en fait là quand vous écrivez sur l'écran ça me perturbe. Je ne vais pas lire sur le livre et lire sur l'écran en même temps et répondre aux questions et me concentrer sur le cours. Donc, Inch'Allah, à la fin du cours. Bismillah. Taïeb. Donc, lors du dernier cours, Walillah ilhamd, nous avons pris la Muqaddima écrite du Shir. Habizallahu ta'ala, en citant quelques adillah démontrant l'importance de l'éducation apportée aux enfants. Car les enfants, nous avions dit qu'ils étaient l'avenir de cette Ummah et la génération à venir. D'ailleurs même, vous pourrez constater chez les Koufars qu'ils ont eux-mêmes compris cela et qu'ils axent particulièrement leurs efforts, qu'ils concentrent particulièrement leurs efforts sur les enfants. Qu'ils commencent leur éducation depuis petit pour leur assimiler tout ce qui est du Koufr ou leur idéologie al-fasida, al-afkar al-fasida, depuis même la crèche ou voire même avant. C'est une chose qu'ils ont déjà assimilée, ces gens-là. En sachant que les personnes plus âgées, elles finiront par disparaître et à mourir, donc ils disent on ne fait pas attention aux vieux et on concentre nos efforts sur les jeunes car ils sont la génération à venir. Et ils voient loin. Ils voient loin. Donc, cette méthode, les muslimounes sont plus en droit de l'appliquer et nous avons des preuves à l'appui. Nous avons beaucoup de preuves à l'appui sur cela. Et nous avions dit également que le fait que ce livre ait été écrit pour les enfants à la base, cela n'empêche pas que les grands également en profitent. Car ce qui est bon petit également, bon pour les grands à la base. Et en effet, comme la question a été posée, Naam al-Awlad yahfazuna al-Kitab, que les enfants mémorisent ce livre. C'est un matn. Au même titre que les moutoun, el-miya, dans les autres founoun, dans les autres domaines, c'est aussi un matn du fait qu'il n'est basé que sur le hadilla. Donc les enfants, naam, le mémorisent, et les grands aussi peuvent le mémoriser. Fa'l-yom sanabda fi mas'alat al-basmala. Fa'qala al-mu'allifu hafizahu Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, le shir a commencé par la basmala. La basmala, c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça vient du verbe basmala yubasmilo, qui veut dire le fait de dire Bismillah. Et basmala, tout seul, c'est le masdar. Basmala yubasmilo, basmalatan. Donc si quelqu'un te dit basmil ou Koulil basmala, ça veut dire dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou dis bismillah tout seul. Awalan yurlam, faut savoir quelles sont les causes qui amènent à ce que les auteurs ou même les enseignants et autres prononcent cette basmala en début de leur cours ou de leurs écrits. Tout d'abord, hadha iktida'an bi kitabillahi wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, c'est pour justement suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son livre, que chaque sourate débute par la basmala, afin de pouvoir les différencier les unes des autres. Et également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses correspondances, de ses écrits, il commençait par la basmala. Thumma jal khilaf. Est-ce que la basmala dans le Coran, هل هي آية min kulli sura aw hiya ayat mustaqilla. Est-ce qu'il s'agit d'un verset faisant partie de chaque sourate, ou est-ce qu'il s'agit d'un verset indépendant qui a été mis là afin de séparer entre eux les sourates? Donc là, il y a un khilaf. Là où il y a unanimité, c'est que la basmala est citée comme étant un verset de la sourate An-Naml, celle des fourmis. Fi qouli ta'ala, innahu min Sulayman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Lorsque la reine de Saba a reçu le livre de Sulayman, elle dit qu'il provient de Sulayman et qu'il est au nom d'Allah, ar-Rahman ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Là-dessus, il y a ijma. Il n'y a pas photo que dans cette sourate, al-basmala, c'est un verset faisant partie de cette sourate. Là où se pose le problème, c'est toutes les basmalades que l'on voit au début des sourates. Par rapport au fait qu'elle vient en début de chaque sourate. Est-ce qu'elle en fait partie ou pas? Et là-dessus, il y a deux paroles, bien connues chez les savants. Awalan, قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال بأنها آية من كل سورة واستدل بترقيم المصحف مع أنه في خلاف في بعض المصاحف. الإمام الشافعي lui il voit que la basmala fait partie de toutes les sourates, et parmi les choses dont il s'est basé, c'est dans le tarqim, la numérotation des versets dans le Coran, dans le mushaf. Que dans certains mushaf, on va voir par exemple al-basmala, que le verset d'après, il vient avec écrit le numéro 2. Donc il considère que la basmala est le numéro 1. Il y a un numéro 1 de la sourate. Mais cela même dans les masahif, cela diverge. Il y a des masahif où elle est numérotée de la sorte et d'autres non. Donc cela n'est pas une preuve. Et deuxièmement, la numérotation des versets dans le Coran, ça c'est pas une chose sur lesquels est venu le wahi. Sur lequel est venu le wahi. L'ordre, lui, oui. L'ordre des versets, ainsi de suite, cela est venu par le wahi. Cependant, le fait de mettre des numéros, on parle, le fait de mettre des numéros devant chaque verset, comme cela a été fait dans les masahif, cela ne provient pas du wahi. Donc la chose sur laquelle se base Imam Shafi'i, fi an-nazar. Elle est discutable. Et d'autres ulama, et d'autres aïmma, comme par exemple l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lui voit, comme la plupart des savants d'ailleurs, que cette basmala est un verset indépendant qui est venu en vue de séparer entre chaque sourate. Et sur cela, plusieurs preuves. Plusieurs preuves sont venues à l'appui dans cela. Comme par exemple le hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, annahu qala ma kana yu'rafu intihaa ay sura hatta tanzil al-fasl yani bismillah ar-rahman ar-rahim. Et le hadith wa sahih akhrajahu Abu Daoud wal Hakim wa ghayruhuma. Ibn Abbas a dit que la fin d'une sourate n'était pas connue tant qu'il n'y avait pas la basmala qui descendait pour pouvoir la clôturer et la différencier de ce qui venait après. Là, c'est une des preuves qui démontre que la basmala est venue pour justement séparer entre les sourates. Également, il y a eu un khilaf quant au fait, est-ce que la basmala dans sourate al-Fatiha, elle en fait partie ou pas? Est-ce que la basmala est un verset de sourate al-Fatiha? Également, il y a eu un khilaf par rapport à ça, sur ce point, sur cette question. Parmi les preuves de ceux qui voient que al-basmala dakhilatun fil Fatiha, annaha minha, qulu ta'ala وَلَقَدْ أَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ مَثَانِي يعني الفاتحة يعني dans le Coran, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à quoi? À الفاتحة, en disant que nous t'avons donné 7, c'est-à-dire 7 versets. Donc des gens se basent sur ce, des ulama se basent sur ce verset pour démontrer que al-basmala fait partie de الفاتحة. وَلَقَدْ ثَانِي, la deuxième, c'est qu'elle n'en fait pas partie. Déjà pour preuve de la parole d'Ibn Abbas, citée précédemment, et également il est venu dans un autre hadith, Qudsi, rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, Rawi l'imam muslim, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qassamtu as-salat bayni wa bayna abdi nisfayn. Il dit qala alhamdulillah rabbil alamin, al-hadith. Que Allah, dans le sens, il a dit quoi? Il a dit que j'ai divisé la salat entre moi et mon Seigneur, entre moi, Afwan, et mon serviteur. En deux. Et le début du hadith, le shahid, c'est quoi? Qawluhu, fa'idha qala alhamdulillah rabbil alamin. Donc si mon serviteur dit alhamdulillah rabbil alamin, mon serviteur m'aura loué. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala démontre dans ce hadith Qudsi, il n'a pas commencé par al-basmala, il a commencé directement par alhamdulillahi rabbil alamin. Et la basmala n'a pas été citée, ce qui amène à déduire qu'elle n'en fait pas partie. Et le sujet est bien plus long que ça, sans vouloir trop nous attarder dessus. Maintenant, toujours autour de la basmala, yani, lorsqu'on fait la basmala, lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à la base, c'est qu'il y a un takdir, un sous-entendu d'une chose qui le précède. Wa'ada bihasb al-amal, en fonction de ce que tu comptes faire. Mathalan, tu veux lire un livre, ou tu veux écrire un livre, ou tu veux manger, ou quelconque action où tu prononces la basmala. Le sens en cela, c'est par exemple, on dit que tu veux écrire un livre. Le sous-entendu, c'est quoi? Aktubu bismillahi rahman ar-rahim. En fait, tu dis, j'écris au nom d'Allah ar-rahman ar-rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La basmala est venue, en fait, elle est accrochée à l'intention de l'acte, ce que tu comptes accomplir. Taïeb, la basmala revient à ce que tu comptes accomplir. Par exemple, tu veux t'asseoir, et en t'asseyant, tu dis Bismillah. El ma'na huwa ajlisu Bismillah. Je m'assois au nom d'Allah. D'où le fait que notre frère Ayoub, Hafizahullah Ta'ala, dans la traduction, a écrit, entre parenthèses, je commence. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Yani, abdahu Bismillah al-Rahman al-Rahim. Donc la basmala, elle revient à ce muta'allaq, la chose à laquelle elle est accrochée. L'intention du serviteur. Ici, je voudrais donner une faïda par rapport à la langue arabe sur l'écriture de la basmala. Yani, la basmala, le hamza, hamzat al-wasl, dans le mot ism, lorsqu'on écrit ism, le mot ism, il est composé de combien? Trois lettres. Hamzat al-wasl, celui qui a l'apparence d'un alif, le sin et le mim. Et souvent, vous verrez dans les écrits de la basmala que ce hamza n'est pas présent. On voit directement le ba, ensuite le sin et ensuite le mim. Bismillah. Donc, quand écrire ce hamza et quand est-ce qu'il ne s'écrit pas? Il ne s'écrit pas quand, au moment, on ne cite pas la chose que l'on compte faire. Par exemple, t'écris juste, comme en début d'un livre, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ensuite, tu t'arrêtes. Tu ne cites rien d'autre. Tu ne cites pas la chose pour laquelle tu as prononcé la basmala. La salen, tu veux dire, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Aktub kaza wa kaza wa kaza. Tant que tu n'as pas écrit ce que tu comptes faire par la suite, à ce moment-là, la basmala s'écrit sans alif. Du moins sans Hamza. Je vais mettre sur l'écran, tu l'écris comme ça. Comme cela apparaît sur l'écran. Là, on voit qu'il n'y a pas de Hamza entre le B et le Sin. Ça, c'est quand? Lorsque tu ne cites pas l'action que tu comptes faire, et lorsqu'elle vient complètement. Tu l'écris entièrement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À ce moment-là, il n'y a pas de Hamza. Par contre, si jamais tu cites ce que tu comptes faire, tu l'écris avec le Hamza. Je vais mettre l'exemple sur l'écran, tu l'écris. Et si tu n'écris pas la basmala entièrement, sans citer Ar-Rahman Ar-Rahim, pareillement, elle s'écrit avec le Hamza. Il y a un B Ensuite à Hamza, Hamza al-Wasl, qui a la forme d'un alif, ensuite le sin, ensuite le mim. Comme ce qui apparaît sur l'écran là, en dernier. Donc là, c'est la chose à faire attention. Lorsqu'on écrit Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. La vraie façon de l'écrire. Et ça, c'est des règles que vous trouverez dans les kutub de l'imla. Ce qui est propre à l'orthographe. Tayyib. Ensuite, ce livre s'appelle Al-Mabadi Al-Mufida. Fil Tawhid Wal-Fiqh Wal-Aqida. Al-Mabadi, lui, c'est le pluriel du mot Mabda. Qui a pour sens de principe, de fondement, d'une chose par laquelle on commence. Mabda. Al-Mabadi et son pluriel. Al-Awaz Mafa'il. Al-Mufida, ça c'est le ism fa'il du verbe afada yufidu, qui a pour sens de faire profiter. Anufidu kafishay, je te fais profiter d'une chose. D'ailleurs, le mot que vous connaissez qui est fa'ida vient de cette origine. Naam. Ensuite, tawhid, c'est connu. Cela viendra également dans une mas'ala propre au livre. Tawhid, à la base, le ratan, c'est le masdar de wahada yuwahidu tawhidan. Ay, intajal al-shay wahidan. Le fait d'unifier une chose. Et istilahan, ça va venir. Istilahan, ça va venir. Ya'ani, aslan, wa ifradullahi fima yakhtasu bihi. Ya'ani, fi ibalati wa rububiyati wa asmai wa sifati. Et kalimat fiqh, le mot fiqh, lui, à la base, l'oratan bimana al-fahm. Hein? Kafikouli ta'ala, wahlul, ugdatan min nisani, yafkohu kouli, ashahid yafkohu kouli. Dans le sens où il dit, et défile le nœud de ma langue, Moussa, lorsqu'il dit à son seigneur, défile le nœud de ma langue, lorsqu'il l'a envoyé vers Pharaon, afin qu'il comprenne mes paroles. Hein? Yafkohu kouli. واستلاحاً الفقه سي معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية سي le fait de connaître les règles légiférées qui sont liées aux rites, aux actes, avec leurs preuves détaillées. Et souvent les gens différencient le fiqh de la aqida du fait qu'ils mettent le fiqh comme étant ce qui se rapporte au rite, et la aqida qui se rapporte à la croyance, au cœur. وَالْفِي حَقِيقَ مِنِ الْعُلَمَا مَنْ قَلَنَا الْفِقْهُ وَالْعَقِيدَ الْفِقْ الصَّحِيح. Le fiqh comprend également la aqida. Pourquoi? Car comprendre le tawhid, comprendre la aqida, c'est du fiqh. Ça amène à quoi? La compréhension. Mais chez les usuliyins, les gens du usul, ils ont différencié pour pouvoir justement savoir quand on parle de quelle chose, dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. Ensuite, Al-Aqida. Al-Aqida, à la base, ce mot-là, Aqida, c'est un mot qui n'est venu que tardivement. Ma yata'alaq bil-kalb. La chose à laquelle le cœur s'accroche. Et yani, souvent les gens demandent Ma wal-fork bina Al-Aqida wa Tawhid. La différence entre l'Aqida et le Tawhid. À la base, les deux peuvent être semblables et peut y avoir une différence. Al-Aqida, y a awsam le Tawhid. Le tawhid, lui, est lié, comme nous avons dit, au droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans l'adoration lui portée, dans sa seigneurie, et dans ses noms et attributs. Mais l'aqida, elle est plus large car elle englobe les choses qui amènent, par exemple, à l'au-delà, qui amènent à l'invisible. Mithl, yom al-qiyamah, wa sirat, wa ruyatillah, wa al-malaika, والجين والقبر والبخزار وغير ذلك. العقيدة elle touche, elle englobe d'autres choses plus larges. Le tawhid est inclus dans l'aqida. L'aqida c'est la croyance. Et l'aqida peut amener à des choses qui ne sont pas propres au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la différence entre les deux. Par exemple, si demain on te parle de azab al-qabr, le châtiment de la tombe, cela n'est pas lié au tawhid directement. Cela est dû à quoi? Aux informations, aux hadiths التي تتعلق بعلم الغيب qui se rapporte aux choses de l'invisible, d'après la mort que personne n'a vu parmi les vivants, si ce n'est les prophètes. Donc la différence entre les deux, al-aqida wa tawhid. Tel est le sens du titre de ce livre, écrit par notre shir, Hafiz Allah Ta'ala. نعم. فلليوم إن شاء الله سنكتفي بهذه التعليقات اليسيرة على ما يتعلق بالبسملة وعنون الكتاب. Là, on va se contenter de cela aujourd'hui. Qu'Inch'Allah, les cours seront assez courts. Les cours donnés, là, seront écourtés, ne seront pas trop longs. La base d'un cours, pour qu'il soit le plus profitable possible, c'est qu'il soit court, afin que la personne puisse bien mémoriser ce qu'elle a entendu. Naam. Et vous verrez que dans l'usloub que le shir a suivi dans ce livre, il a fait son livre sous forme de questions. Réponse. Idha qila lak, kaza wa kaza. Idha qila lak, kaza wa kaza. Si telle chose et telle chose te sont dites, alors que réponds-tu? Car l'interrogation est aussi une forme d'enseignement, parmi les meilleures. Lorsque tu interroges une personne, tu attires son attention, il écoute bien ce que tu lui dis, et s'il ne connaît pas la réponse, tu lui donneras. Et s'il la connaît, cela lui fera une muarajaa, une révision. Et cela était parmi les méthodes employées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam est venu les voir, il leur a dit « Ya Mohammed, akhbirni an al-islam, informe-moi de l'islam. Ou akhbirni an al-iman, ou an al-ihsan, et ainsi de suite. » De là, les savants ont déduit que tu peux, parmi les usloub à emprunter pour pouvoir enseigner, le fait de poser des questions à l'étudiant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait souvent, même dans d'autres hadiths, il questionnait ses sahaba. Également, tu verras les savants souvent dans leur douloureux, ils donnent leur ders, et en plein cours, ils posent une question à un talib. Il dit, « Indi souel, man sayujibu alayhi ?» Et là, tu verras souvent que celui qui l'interrogera, parmi les toulab, il dit par exemple, « Indek ya fulen ?» Je t'interroge toi aujourd'hui. Il l'interroge. Et tu verras que s'il ne connaît pas la réponse, et ben si tu l'interroges le lendemain ou quelques temps après, cet élève interrogé, la plupart du temps, aura mémorisé cette réponse et sera ancré dans sa mémoire, plus que les autres. Donc le questionnement est une très bonne façon, une très bonne méthode d'enseignement. Elles sont diverses. Hein, il y a le fait de donner un cours, le fait de donner une muhadara, même les khutbah de Jumu'ah, et ainsi de suite. Elles sont très nombreuses, mais parmi elles, celle-ci. Et donc lui, le shir, a suivi cette méthode, que vous trouverez également dans Uslu Salafa, par exemple, qui est le même usloub emprunté, car, comme on dit, il attire plus l'attention de la personne et s'ancre plus dans l'esprit. Et il est plus facile pour mémoriser. Naam. Fabien Dalkod Naktafi. Wa min al-dars al-ati, inshallah, sanatrouv fi al-kitab nafsi, inshallah. والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com